L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, on parle de voyage. Voyage, un projet porté par des étudiants à l'UDAF 54 pour tisser des liens entre étudiants Erasmus et seniors en résidence autonomie à Nancy. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Dilaï. Bonjour. Bonjour. Alicia. Bonjour. Bonjour. Et Adrien. Bonjour. Donc vous êtes tous les trois étudiants. Oui, c'est ça. Dans quel cursus ? Alors moi, Dilaï, je suis en alternance en ressources humaines, actuellement dernière année de master. Donc pour ma part, je suis en alternance à l'IUT Nancy Charlemagne en gestion des entreprises et des administrations. Et Alicia ? Et moi, donc je viens de finir ma dernière année de bachelor chef de projet digital, donc dans la communication au CESI à Vendeuvre. Donc voilà trois profils différents. Vous êtes tous les trois au sein de ce projet Voyage-Voyage. Ouais, c'est ça, ouais. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous définir c'est quoi ce projet ? Voyage-Voyage, l'idée c'est de faire rencontrer deux publics qui sont assez différents, mais qui ont finalement beaucoup de choses à partager, à savoir donc les seniors et les étudiants, notamment les étudiants étrangers et Erasmus. Voilà, ces deux publics qui peuvent parfois souffrir un petit peu de monotonie dans leur vie, de solitude. Et on voulait les faire se rencontrer pour qu'ils puissent partager, échanger, apprendre, tisser du lien social autour de leurs différences culturelles et de leurs différences de génération. Donc vous avez lancé ça dans le cadre de votre alternance à l'UDAF 54. L'UDAF 54, c'est quoi ? L'UDAF 54, c'est une association engagée pour les familles. Alors moi, c'est assez large, hein, le terme de famille. On a beaucoup d'actions dans beaucoup de domaines. Justement, on essaye d'être le plus complet dans les thématiques qu'on aborde, dans les publics vers lesquels on va. Et justement, c'est dans ce souci un petit peu de toucher tous les publics qu'on a créé Voyage Voyage pour se rapprocher aussi de la jeunesse. L'UDAF 54 qui fête ses 80 ans cette année, on peut le signaler. Alors quel était le constat de départ d'avoir lancé ce projet ? Le constat de départ, c'est devenu de deux choses. L'observation que donc, les seniors, en résidence autonomie notamment, avaient de grosses demandes, de grosses attentes sur le lien social. Comme je vous dis, ils souffrent beaucoup de solitude. Ils ont aussi beaucoup d'attentes sur l'intergénérationnel. Et c'est un public qu'on maîtrise un peu plus, les seniors, à contrario des jeunes, un public vers lequel on ne va pas encore énormément. Et donc on s'est dit, ça pourrait être intéressant de fusionner ces deux publics-là, d'aller vers les seniors avec des jeunes, mais aussi pour des jeunes. Car vous-même êtes jeune, vous êtes étudiant, vous avez aussi ce constat en tant que jeune aujourd'hui ? Oui, quelque part, oui. Moi, je ne suis pas un jeune forcément étranger, donc c'est plus facile peut-être pour moi de m'intégrer. Mais au-delà de l'intégration, c'est aussi un enrichissement culturel pour eux, qui sont par exemple en Erasmus et qui viennent découvrir la culture de notre pays. C'est enrichissant d'avoir un point de vue d'une autre génération qui est très différent aussi. On sait qu'en général, les étudiants Erasmus ont tendance à plus rester entre étudiants Erasmus. Et donc là, ça permet de créer un lien différent et encore une fois intergénérationnel. Vous avez lancé ce projet quand ? Le projet n'est pas encore officiellement lancé. On est toujours en train de le construire. Mais ça va faire maintenant quelques mois. Il me semble qu'on a commencé à le créer, à le penser en avril. Justement, c'est Alicia qui a commencé à communiquer tout ça sur les réseaux sociaux, même au niveau du financement. L'idée, à l'UDAF, on a la chance d'être un peu autonome dans la partie communication, dans tout le reste d'ailleurs, de porter des projets qu'on souhaite porter. Et donc pour la partie communication, l'idée c'était d'avoir une charte graphique assez moderne qui parle à tout le monde et qui attire le regard justement des jeunes, puisque c'est le public qu'on veut aussi un peu cibler. Et donc au-delà de la communication sur les réseaux, on a lancé une cagnotte sur Ulule. Et aujourd'hui on a, avec les partenaires, les financements et les gens qui ont gracieusement donné dans la cagnotte, on a atteint 42% du financement. Donc le chemin n'est pas fini, mais on est déjà très content de cette petite réussite. Et l'argent récolté permettra donc de faire quoi concrètement ? Justement, c'est d'un côté aussi pour lancer les recrutements, et c'est là que je vais intervenir en tant que RH. Dû à mes compétences, du coup, je vais rencontrer les étudiants et on a d'ailleurs rédigé un CV exemplaire avec les critères essentiels pour pouvoir sélectionner en fait facilement les étudiants qui seront aptes à rencontrer des seniors. Parce que le rôle de ces étudiants, ce sera quoi alors ? D'aller directement en résidence autonomie ? Ça va être d'animer des ateliers avec eux, vraiment de transmettre leur culture à ces seniors-là en fait. Ça peut être autour d'ateliers, pour l'instant il n'y a rien qui a encore été fixé, il faut voir aussi en fonction des profils des étudiants que Dilaï va recruter, mais ça peut être des ateliers de cuisine, des ateliers de jeux de société, de jardinage, enfin vraiment tout ce qui joue aussi autour des intérêts des étudiants. Ça dépendra également des financements qu'on va pouvoir récolter à la suite de la communication. Il y a un financement participatif qui a été lancé sur Ulule, hein, toujours, qui est jusque quand ? On n'a pas fixé encore de date limite, ça va dépendre de notre communication, de tous les partenaires qu'on arrive aussi à réunir à côté de ce financement-là. Mais là, on est arrivé en septembre, on a déjà 42%. On va pouvoir relancer le projet avec notre partenaire, l'ESN de Nancy, donc l'Erasmus Student Network, qui a donc tout un panel d'étudiants à qui on va pouvoir présenter le projet, qui vont pouvoir nous aider à le porter, donc à le soutenir, à le financer sur la canicule. Cette association qui suit pas mal d'étudiants en Erasmus, effectivement. Vous avez eu déjà des contacts avec des étudiants qui sont dans ce cadre d'études Erasmus et qui ont exprimé le souhait de participer, peut-être ? Autant on savait que les seniors allaient être très intéressés par ce projet intergénérationnel, qui le demandent énormément. Autant pour les étudiants, on était plus sceptiques au début. Donc on a rencontré l'ESN, qui a justement partagé son enthousiasme, son engouement pour le projet. Parce qu'ils cherchent aussi à développer de nouvelles dynamiques, et l'intergénérationnel, c'est une nouvelle dynamique qu'ils cherchent à développer, justement. Donc on n'a pas encore rencontré les étudiants en eux-mêmes, parce qu'au moment où tout ça s'est fait, c'était les vacances scolaires, donc les étudiants étaient rentrés chez eux. Et voilà, la rentrée arrive, les étudiants sont de retour, donc on va les rencontrer le plus tôt possible pour tout leur présenter et être témoin de leur engouement pour le projet. Puis l'essentiel serait de les rencontrer justement en octobre et essayer d'avancer sur le financement d'ici la fin du mois ou mi-octobre. Et dans l'idéal, vous aimeriez lancer vraiment le projet concrètement quand ? D'ici la période de la fin de l'année. Justement, on ne sait pas encore, et on va rencontrer les étudiants, on va voir au niveau de leur motivation aussi, et encore une fois au niveau de l'avancement du financement, mais on espère en tout cas d'ici un ou deux mois que cela se concrétise. D'autant que la fin d'année, c'est une période qui est quand même assez charnière pour les étudiants Erasmus, parce qu'ils sont loin de chez eux, ils sont loin de leur famille, et donc passer les fêtes tout seul, c'est pas forcément idéal. Pareil pour les personnes en résidence autonomie, ils n'ont pas forcément tous une famille qui vient les voir, donc ouais, je pense que la fin d'année, c'est une bonne période. Donc comment vous aider aujourd'hui ? Effectivement, on aimerait multiplier nos partenaires qui financent nos projets. Justement, on va voir avec l'IUT Nancy Charlemagne, dans lequel j'ai étudié et Adrien est actuellement étudiant. Donc on va aller voir prochainement et on espère que cet échange va aboutir à quelque chose de bien. Mais voilà, oui, on aimerait vraiment multiplier nos partenaires et puis notamment que les étudiants soient vraiment volontaires à venir nous rencontrer, que la communication aussi se fasse beaucoup plus pour toucher les étudiants, justement au niveau des soirées étudiantes également, pas en parler entre eux. Ce projet, vous l'avez lancé donc en avril à peu près, hein, c'est ça ? Quelle expérience vous en avez aujourd'hui ? Alors déjà pour la communication, Alicia ? Alors c'était très particulier, c'est la première fois que, en tout cas pour ma part, je faisais appel au financement participatif, donc c'était assez particulier de réfléchir à comment rendre notre projet entre guillemets plus convaincant qu'un autre hein, finalement. Comme dit, on a déjà eu une bonne participation et des bons retours parce qu'en général, les gens qui participent nous laissent aussi des petits commentaires en disant que c'est un bon projet. Pour nous, c'est assez révélateur. Je crois qu'on le mentionne aussi dans la cagnotte. On dit que l'idée, c'est d'accord, là, on est à Nancy et le projet peut marcher à Nancy, mais si ça fonctionne bien à Nancy, ça peut très bien fonctionner plus largement dans le 54. Donc, Voyage. Il y a une astuce quand même qui ne passe pas à la radio parce qu'on le prononce, mais le deuxième voyage, c'est VOY'AGE. AGE. Oui. Vous avez mis du temps pour trouver ce nom de projet ? Pour moi, c'est une musique aussi, hein, pour le vieux que je suis. Alors, c'est un projet qui est venu assez vite, mais qui n'est pas venu de nous. Alors, comme on est alternant, on a des tuteurs à l'UDAF 54. Et c'est mon tuteur qui est effectivement un peu plus âgé que nous, hein, 55 ans, qui a eu cette idée. Et ça rend bien, ça parle à tout le monde, c'est relativement facile à retenir. Donc, c'est plutôt un bon nom au final. Pour continuer un peu vos retours d'expérience, Dilaï ? Bah, c'est vrai que moi, je suis pas encore implanté réellement dans le projet, j'ai juste au niveau de la communication, je partage et repartage, mais moi je vais vraiment jouer un réel rôle d'ici justement octobre-novembre suite au recrutement que je vais pouvoir réaliser et ça va être très enrichissant de rencontrer ces étudiants-là pour moi aussi, pour nous aussi je pense, étant donné que j'ai aussi de la famille qui est Erasmus, c'est vrai qu'entendre leur retour c'est super bien et puis ça donne envie quoi. Donc en tout cas j'espère que les étudiants, Nancy étant une ville étudiante, on va nous soutenir et voilà. Et un peu d'impatience alors avant. Et oui. Et oui, Adrien oui. Alors Moi je dirais plus largement, comme je suis chargé de projet à l'UDAF 54, c'est pas le seul projet que j'essaye de monter. Les financements parfois c'est compliqué, donc ce projet c'était intéressant de pouvoir tester justement le financement participatif, une nouvelle manière de financer des projets pour l'association aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément beaucoup tenté avant. Donc ça sera assez révélateur de ce qu'on a pu réussir, de là où on a pu peut-être être plus fragile pour apprendre et renouveler peut-être l'expérience sur d'autres projets. Alors je vous laisse le dernier mot, peut-être un argument pour des jeunes qui seront en Erasmus, pour leur donner envie de s'engager dans une démarche telle que Voyage. Je pense que c'est une question de curiosité, d'envie de partager, de découvrir. Les Erasmus sont dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'ils viennent justement découvrir une nouvelle culture, découvrir des nouvelles personnes, et là c'est complètement ça, donc je pense qu'ils peuvent être heureux, impatients, curieux de découvrir ce projet et d'y participer. C'est toujours intéressant de transmettre sa culture également face aux personnes qui sont vraiment intéressées parce que c'est vrai que les seniors attendent vraiment beaucoup d'eux et donc ça peut être enrichissant pour eux suite à leur parcours également, bah juste d'Erasmus quoi. Et Alicia alors, le site internet, comment on vous retrouve pour aller vous soutenir financièrement ou autrement ? Alors sur Ulule, vous avez la cagnotte Voyage. Et puis, vous avez tous nos réseaux sociaux, donc de l'UDAF, on a une page LinkedIn, une page Facebook, où on poste régulièrement donc, concernant l'avancée du projet et de la cagnotte. Eh bien, merci à vous trois et bonne chance pour ce projet. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.